allô, bienvenue au podcast 12.0. Pourquoi le point zéro? Je sais pas trop, probablement pour être plus sexy. J'imagine que je trouve ça plus beau que de simplement dire épisode 12. Donc, dans ce Lobster 12.0, un mini-sujet dont je vous parle immédiatement, c'est important, les algues. Oui, j'adore manger des algues. Est-ce que certains d'entre vous en ont acheté au Costco? Et notez ici que je fais un effort pour pas dire club price pour pas trahir mon âge. Donc, le Costco vend ça. C'est comme des collations grillées biologiques. C'est simplement des algues. Bon, je dis simplement, mais pour rendre ça bon, ils nous ont ajouté de l'huile de tournesol et du sel dans les ingrédients. Mais ça semble rester santé. Moi, je trouve que ça se mange tout seul. C'est des paquets individuels. Voilà, j'en parle pas plus. C'est dans la section des bartentes, je crois, emballage vert. Vous devriez goûter à ça. C'est vraiment délicieux. Sinon, cette semaine, on parle de quoi dans le Lobster 12.0? Aucune idée, mais on peut toujours vérifier dans mon horoscope pour le savoir. Donc, si je regarde sur un site d'horoscope sur la toile du Québec, ça dit « Lune, la Lune se retrouvera dans le Serpentaire Scorpion, selon l'astronomie. » Bon, aucune idée de ce que ça veut dire. Probablement que si je sors dehors à la nuit tombée, je vais pouvoir voir la Lune. Dans la section générale, si certains blocages amoureux temporaires assombrissent votre ciel amoureux, n'hésitez pas à aller au fond des choses. Bon, c'est tout qu'un blocage temporaire, je suis célibataire depuis 7 ans. Ouf! Bon, dans la section travail, les conditions de travail seront affectées par une nouvelle application Internet ou web ou multimédia. Bon, c'est impossible d'être plus vague que ça. Ça donne rien d'en lire plus, je vais plutôt vous lire une pensée que mon garçon m'a ramenée de l'école. C'est déjà plus intéressant. La science a donné à l'humain le pouvoir d'être un dieu alors qu'il ne mérite même pas d'être un homme. Voilà, ça porte déjà plus à réfléchir que de savoir que ma lune est en Vénus ou que mon tibia est en Monty. Donc, comme mon horoscope n'a pas réussi à nous dire qu'est-ce qu'il va avoir dans le Lobster cette semaine, je vous invite donc à l'écouter tout simplement pour savoir de quoi on parle cette semaine. Bonne écoute! Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner. Et voilà, c'est cassé, Choum. Hey, Mika, trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je ne veux plus être mêlé aux aventures à la con des Goonies. Je vous présente Mickey. Il faut que j'aille au pipi room. Brandt. Andy. Ah la honte, ah la honte. Allez, grand, sors-lui ta langue. C'est dégoûtant, je veux même pas regarder. Mouse. Moi, je te tiens. Allez, fous-moi le camp maintenant, t'as mis ma peinture, idiot. Tu m'as fait rater ma blague. Stephanie. Data. Les Goonies, Flash. Regardez, c'est pas génial. Et Chunk. C'est fermé. Ils se sont surnommés les Goonies. Ils ont découvert une légende. Mais ils ne sont pas seuls. Chou, j'espère que c'était ton estomac. Non. C'est la chose. On dirait King Kong. Découvrez ce qu'ils ont découvert. C'était tout plein de rubis et d'émeraudes et de diamants. La carte perdue. Oh super, on a trouvé le tunnel. Les grottes secrètes. Hé, hey, Mickey, si tu arrives à m'entendre, sauve-toi. Sauve-toi, ils sont à ta poursuite. Alerte à la secousse. Les indices cachés. Mickey. Ah, Tana. Les pièges perfides. Allô, shérif, je suis dans la salle de l'ancien phare. Je veux vous signaler un meurtre. Comme votre dernière blague, avec toutes ces petites créatures qui se multipliaient quand on leur jetait de l'eau dessus, c'est ça? Prêtez serment. Ils sont là, ils sont là. moi quelqu'un qui vient. Venez vivre cette aventure. Steven Spielberg présente Les Goonies. De voter, faites le 6. Hello, this is First Public Research at 581-318-8824 and info at prp-fpr.com. We would appreciate your participation in this brief survey. As you know, the election is October 1st. For which party are you most likely to vote? The Quebec Liberal Party? Press 1. Coalition Avenir du Québec? Press 2. Québec solidaire? Press 3. The Parti Québécois? Press 4. Another party, press 5. Thank you for participating. You can reach us at First Public Research at 1-581-318-8824 and info at prp-fpr.com. Goodbye. Les sondages.

Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Je sais pas si ça paraît dans ma voix, mais cette semaine, j'ai attrapé un bon virus. J'ai fait de la fièvre pendant 12 heures dans la nuit de mardi, et au matin, mercredi, j'étais à moitié mort, plus d'énergie. Je toussais un peu, puis j'avais le rhume. Heureusement, j'avais le moral. Je suis rarement malade, ça devait faire quelques années que j'avais pas attrapé de quoi d'intéressant comme ça. Donc, au matin, comme j'avais soif et pas le goût de me lever, j'ai attiré l'attention de mon plus jeune garçon, qui dort sur le même étage que moi, en râlant. Oui, j'aime râler quand je suis malade, je trouve ça drôle, je le fais un peu par jeu, comme ceux qui se frottent le bedon pour se faire du bien. Donc vers 7h, quand j'entends que mon plus jeune garçon est réveillé, je démarre mon râlage subtil et il vient me voir pour voir si ça va, ce qui me permet de lui expliquer que je suis fiévreux et que j'ai probablement attrapé la grippe ou de quoi du genre. Comme mon garçon tousse déjà et mouche déjà, je comprends alors que c'est pas juste nos allergies à l'herbe à poux qui nous frappaient cette semaine. Comme lui est aussi fatigué que moi, je lui dis d'aller se recoucher, qu'on va oublier l'école pour lui, pour aujourd'hui. Un peu plus tard, quand mon deuxième garçon se réveille et monte à l'étage pour prendre son bain avant l'école, je redémarre mon râlage pour attirer l'attention, ce qui ne manque pas de l'inquiéter. Mais je le rassure, ça va aller. Serviable, il me ramène de l'eau froide et des raisins qui font du bien à ma gorge. Je lui explique alors que j'ai été fiévreux toute la nuit et tout le tralala, et lui dit de s'organiser. Moi, j'ai pas la force de me lever. Heureusement, il est bien autonome, je peux dormir sur mes deux oreilles. Vers 9h, je l'entends revenir me voir, il me dit qu'il s'en va prendre l'autobus et me demande si ça va aller. Je râle un peu pour le rassurer. Finalement, j'ai pas bougé de mon lit cette journée-là, juste un peu pour avertir l'école de mon plus jeune pour justifier son absence et moi envoyer un email à mon patron. C'est fou comment un virus peut venir nous bouffer toute l'énergie. Heureusement, mon frigo était plein de bouffe. Mes garçons se sont servis eux-mêmes pour souper, pour dîner. Quand il y avait faim, moi, j'ai stagné dans mon lit. La journée suivante, comme j'avais pas plus d'énergie, je suis encore resté en congé maladie à la maison. Je nous ai commandé de super bons repas au meilleur resto asiatique du coin pour souper et ça m'a permis de reprendre des forces. Là, ça fait 5 jours que c'est passé et je me sens mieux. Je manque un petit peu de dynamisme, mais j'en ai profité pour me remettre à la peinture. J'avais une grosse toile de 4 pieds par 3 pieds de débuté. J'ai donc fait ça toute la journée, tranquille, en écoutant de la musique. Pour ceux qui se demandent le genre de toile que je fais, en ce moment, c'est une toile où on voit deux taureaux qui jouent aux cartes ensemble. Puis c'est dans le style un peu de Picasso. C'est un style abstrait. Donc, puis j'ai l'habitude, ces toiles-là, là, c'est une série que je fais, j'essaie d'en faire 10, je les signe tous Picasso. L'objectif derrière ça au départ, c'était que comme j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un vrai Picasso, puis que c'est un de mes artistes peintres préférés, je me suis dit que je pouvais bien m'en faire moi-même. Donc, j'avais commencé à signer Picasso sur certaines de mes toiles qui sont accrochées au mur de la maison. Puis depuis ce temps-là, je pense que j'en ai 8 de fait que je signe tous Picasso. Ça me permet de faire semblant que j'ai des vrais Picasso chez moi. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Don't try, no wonder why. gables want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Nouvelle de nos amis les singes. Saviez-vous que les lits des chimpanzés sont plus propres que les nôtres? Comparé aux lits des humains, ceux des chimpanzés ne contiennent presque pas de bactéries fécales, buccales ou cutanées. Une étude de l'Université d'État de Caroline du Nord révèle aussi que seuls 4 spécimens d'arthropodes parasites ont été identifiés contre des centaines dans nos foyers. Une propreté sans doute due à un épouillage efficace et à la construction quotidienne d'un lit. La seule chose que je me demande après avoir lu cet article, c'est la pertinence de certaines études qui sont faites. À quoi ça sert de savoir que les lits des chimpanzés sont plus propres que les nôtres? Moi, je suis pas mal dans mon lit, puis ça va rien changer de savoir d'avoir cette information-là entre les mains. Puis je me demande qui c'est qui subventionne ce genre d'études. C'est, à mon avis, très peu pertinent. Bon, j'imagine qu'on aime ça en apprendre plus là, sur certaines espèces, puis ça fait partie là, des connaissances là, qui s'ajoutent à tout ce qu'on sait sur les animaux, mais il me semble qu'il y aurait des choses plus pertinentes là, à analyser que ce genre d'informations-là. J'ai pas l'impression que ça va servir à quelque chose. Mais bon, c'est mon avis. Monsieur Trey, j'aimerais ça voir votre autographe. Oh, je vous en prie, mon ami. Excusez-moi. C'est pour qui? C'est pour Ginette. Ah bon, c'est votre fille? Non, c'est moi. Fais pas de grimaces, ça porte malheur. Coule ta carcasse, c'est pas ta sœur. Si je t'embrasse, toi tu m'écœures. Tu me fracasses, mon doux seigneur. T'es une lavasse, un amateur. Je te terrasse, maudit faiseur. T'as les oreilles comme un chou-fleur. Prends ta bouteille, vieil enfant de cœur. Mon dos, si t'as tabarnak, tu vas manger ma meilleure face. M'a t'enfourri une dac, m'a t'cassé les deux échasses. Mon colis de bavu, y'a plus personne pour me tenir. M'a t'bouché mon morveux, tu vas crier, puis t'es martyr. Hostie, hostie. Asti, asti, six points. T'as mort les couilles, lève ton nombril. Asti de citrouille, prise de fifi. T'as pas connu, Yvon Robert. Là t'aurais eu un adversaire. Il est gauche de George. Il est un cochon, ça dégorge un cornichon. L'arrêt moquin, il lâchait pas. Huile de ricin, mouvement ou pas. Mon asti tabarnak, tu vas manger ma mine en face. M'a t'enfourri une claque, m'a t'cassé les deux échasses. Mon calice de baveu, y'a plus personne pour me tenir. M'a t'mouché mon morveux, tu vas crier puis t'es martyr. Asti, asti, asti. Ah ouais, accouche, montez un homme. Passe une fausse couche qui chic la gomme. Tu récalcites, j'te casse les dents. J'te décapite mon sacrement. Pis fais pas de bluff avec Bibi. Nous on joue d'off, t'as pas fini. M'a te faire manger de la marde en tas. M'a va te crever sur le matelas. Mon petit tabarnak, tu vas manger ma maigre en face. M'a t'enfourri une claque, m'a te casser les deux échasses. Mon colis de baveux, y'a plus personne pour me tenir. M'a te moucher mon morveux, tu vas crier pis t'es martyr. Hostie, hostie, hostie, hostie, hostie, hostie, hostie, hostie, hostie. Est-ce que cet extrait de film qu'on vient d'écouter vous dit quoi? C'est le film L'Agent X-13. Moi, je l'ai déjà écouté, c'est drôle, c'est une comédie musicale québécoise qui date de 1972. Et les musiques, comme celles qu'on vient d'entendre, sont de François Dompierre. François Dompierre étant entre autres un compositeur qui a fait la musique de plusieurs films que nous connaissons, tels que le Matou, Le déclin de l'Empire américain, Jésus de Montréal, Laura Cadieux, pour ne nommer que ceux-là. Ce film met en vedette les quatre membres du collectif humoristique Les Cyniques, soit Marc Laurendeau, Serge Grenier, Marcel Saint-Germain et André Dubois, qui, ce dernier, joue le rôle de l'agent X-13, l'as des espions canadiens. Ce film fait aussi appel à de réels comédiens et comédiennes tels que Louise Forestier, Carole Lard et Louisette Dussault. Donc, on avait réuni dans ce film une petite partie du gratin québécois. Quand je lis le synopsis du film, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Ça dit « Il est brave, vertueux, fort, beau, intelligent. Il est à ce point admirable que même ses ennemis le respectent. » Le film nous fait suivre l'agent secret dans ses aventures rocambolesques. Voilà, le synopsis du film est aussi court que son intrigue, qui est un prétexte à faire toutes sortes de blagues accompagnées de musique comique. Signe que le budget est au rendez-vous pour la création de ce film, je lis que tout le film a été tourné avec des décors en carton. Sachez en terminant que L'Agent X-13 est une comédie absurde qui s'inspire de la série québécoise des aventures étranges de L'Agent X-13. Un recueil de 934 romans feuilletons hebdomadaires créés par Pierre Daigneault, dont le nom de plume était Pierre Sorel, et qui était illustré par André Larchevêque. Je suis d'ailleurs tombé sur des romans feuilletons de ce type dernièrement à la boutique de dons Renaissance et qui croupissent maintenant dans ma collection de choses inutiles.

c'est toi, toi la petite infirmière. On te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite Kaira. Fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère. Alors que je m'étais dit que je ferais un lobster moins long cette semaine à cause de ma gorge endommagée, voilà, j'ai encore trop de sujets à vous parler. Donc, un peu comme Jean-Marc Parent du temps de l'heure JMP, on va défoncer. Donc, ça risque d'être un peu plus long qu'à l'habitude. Puis pour ceux qui ont le goût, ben on peut toujours flasher nos lumières. C'est bon, la gang, come on! Je me demande bien l'impact que chacun de mes 40 à 50 abonnés du Lobster on aurait à flasher chacun nos lumières quand on entend ce bout du Lobster 12.0. Sûrement moins que Jean-Marc Parent avait. Du temps de leur JMP, l'Hydro-Québec était rendu qu'ils analysaient les fluctuations sur le réseau au moment de son émission où ils faisaient flasher les lumières. C'était quelque chose d'inédit que même l'Hydro n'aurait pu reproduire s'il l'avait demandé. Ça prenait vraiment juste la belle folie de Jean-Marc Parent pour nous amener là. D'ailleurs, parlant de Jean-Marc, si vous avez jamais entendu son numéro du Mangosta, vous devriez prendre le temps de l'écouter, disponible dans YouTube. Et ce numéro a maintenant une suite qui est un peu moins drôle, mais qui vaut tout autant la peine de l'écouter si le numéro du Mangosta vous a séduit. Pour en revenir à mes lapins roses. Ah oui, je vous ai pas parlé de mes lapins roses. Cette semaine, quand j'ai fait de la fièvre, j'ai pas vraiment dormi de la nuit et les petits bouts que je dormais, c'était au travers de rêves ou de cauchemars bizarres. J'ai passé la nuit à voir des lapins roses et c'est ce qui m'amène à cette chronique sur les mangas. Oui, j'en écoute avec mes garçons. On les écoute du site hds.to. Un qu'on a bien aimé, c'est Danmachi. Voici le synopsis. Communément désigné comme le donjon, la ville d'Horario dispose d'un énorme labyrinthe dans son sous-sol. Les dieux ayant décidé de vivre parmi les mortels donnent leur bénédiction à ceux ayant le courage de parcourir le donjon. Ils deviennent alors des aventuriers. Dans cette ville de rêves et de désirs, un nouvel aventurier, Belle Cranel, fait une rencontre fatidique avec la petite déesse Estia. Ainsi commence l'histoire d'un garçon cherchant l'amour, mais aussi à devenir le meilleur aventurier, et d'une déesse solitaire à la recherche d'adeptes, qui choisissent de travailler ensemble et d'atteindre leurs objectifs. Voilà, c'est drôle, c'est touchant, puis c'est très court. Moi, j'en aurais écouté encore plusieurs épisodes. La suite existe, mais en japonais seulement, et c'est pas une suite directe. On ne voit dans la suite que des personnages féminins, d'après ce que j'ai vu. Donc, j'ai encore espoir d'avoir une suite directe à Danmachi. Sinon, une longue série qu'on réécoute pour la deuxième fois et qui est la cause de mes cauchemars de lapin rose est la série Log Horizon. Pour faire court, la veille de ma fièvre, dans un des épisodes, on voyait plein de lapins aux yeux roses, donc c'est venu hanter mes cauchemars fiévreux. Mais pour en revenir à cette série, voici le synopsis. Et je m'excuse à l'avance si je vous en ai déjà parlé dans un autre lobster, je suis pas sûr. J'ai bien sûr un fichier où je note ce que je vous parle, mais je suis pas rigoureux à 100%. Donc, pour le synopsis de Log Horizon. À la sortie de son 12e pack d'extension, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur Elder Tale est sans conteste devenu le MMORPG le plus joué dans le monde avec une base d'utilisateurs de plusieurs millions de joueurs. Cependant, à la suite de la sortie de sa 12e extension, 30 000 joueurs japonais et plusieurs milliers d'autres à travers le monde connectés au moment de la mise à jour se retrouvent piégés dans le jeu sans possibilité de se déconnecter. Parmi ces joueurs, Shiroi, un jeune adulte peu sociable, et ses amis Naotsugu et Akatsuki vont s'allier ensemble dans le but de surmonter les obstacles et les dangers dans ce monde maintenant devenu leur réalité. Donc, en gros, les joueurs sont pognés dans le jeu au moment d'une mise à jour et ils ne peuvent plus en sortir. Et au fil du temps, les joueurs découvrent que le jeu offre de nouvelles possibilités, bonnes comme mauvaises. Par exemple, ils peuvent acheter de la nourriture via le menu du jeu, qui est toujours disponible et activable en se touchant le front, mais la nourriture, elle goûte plus rien, ce qui rend les joueurs moroses. Mais un joueur qui a la sous-classe de cuisinier va découvrir avec le temps que de cuisiner lui-même les aliments leur rend leur goût. Donc, plein de petites choses comme ça et des gros bouleversements qui vont pousser les joueurs à s'allier ou à former des guilds pour contrer tout ça, contrer tous les événements qui vont les affecter. Je vous conseille donc vraiment Log Horizon, c'est 50 épisodes de 25 minutes. Pendant que la trame sonore de Log Horizon se termine en background, j'ai le goût de nous lancer dans l'écoute de bandes japonais. Le premier, un band de power metal, Aldios, dont on a déjà écouté la chanson We Are dans un précédent podcast. Cette fois-ci, on va écouter leur chanson Dominator. Viendra ensuite la chanson Hot Chocolate du groupe Shonen Knife et enfin Ebihara Shinji du groupe Chushimamir, tous des groupes de composition féminine.

au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Dans ton cyberlabe et dans ton cosmonaute, ton petit Copenhagen, il y a aussi, tu vois, ta douce amie Joanne, rigolo et malade, qui ne te quitte pas. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine, la nuit, c'est toi, un jour qui sauvera. Chip, chip, chip, chip tune. Déjà la fin de mes interventions dans ce Lobster 12.0. Je me fais plaisir cette semaine et je nous mets un long bout de mon DJ préféré. Il est néerlandais. Je le suis depuis plus de 15 ans. Il a une émission hebdomadaire culte qui se résume par 4 lettres. A-S-O-D, qui veut dire A State of Trance. Élu meilleur DJ mondial à 6 reprises et toujours dans le top 5. Il a été classé 3e cette année. Donc, un DJ de talent qui nous sort régulièrement des albums avec des chansons qui ont du rythme. On l'écoute ici, dans le Lobster 12.0. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec Armin van Buuren. I want to be in that moment. Thank you. State of trance, how you feeling? I want to create an ocean of lights. So if you have a cell phone or a lighter, let's light it up. Sorry for the road that I won't take, for the words that I won't say, for the love that I won't give. Sorry for the heart that I won't show, for the ways that I won't go, for the life that you won't live. Sorry Miami, you look amazing. We'll be right back. With every step you take, you touch my soul. With every breath you will succeed. The soul of an angel. Surrounded by love. woke up in the morning with the sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness. She won't tell you why. But all she needs is shelter. Shelter for the night. And this one could be heaven. But she's looking down the line. Sunny days, lift me when I'm down. Oh, sunny days, breaking through the clouds. Oh, sunny days. We'll be right back.

Compressons, la récréation est terminée. Élève Bobino, si vous ne posez pas tout de suite votre cerceau, vous allez me copier 500 fois. Je dois me mettre en rang quand la cloche sonne. Qui ça, moi? Oui, oui, vous, élève Bobino. Mais je n'ai pas de cerceau. Raison de plus pour le poser. Oh. Allez, prenez vos rangs et rejoignez votre place en silence. Bon, bon. Élève Bobino, ne marchez pas sur les pieds de vos camarades. Qui, moi? Oui, oui, vous, élève Bobino. Mais voyons, je n'ai pas de camarades. Raison de plus, ça vous rend ridicule. Oh. Bon, nous allons commencer un cours très important, le cours d'histoire. Oh. Taisez-vous et asseyez-vous. Je commencerai le cours d'histoire par une histoire très intéressante. L'histoire du petit chaperon rouge. Oh, oh, oh. Mais c'est pas de l'histoire, ça, Bobinette. Comment c'est pas de l'histoire? C'est bien une histoire, il me semble. Mais au cours d'histoire, on ne raconte pas des histoires imaginaires. On raconte la vie des gens qui ont réellement existé, comme Napoléon, Jeanne d'Arc, Jules César. Et alors? Tu vas peut-être me dire que j'ai jamais existé, moi. Toi? Bien oui, on parle de moi dans le petit chaperon rouge, donc c'est de l'histoire. On parle de toi dans le petit chaperon rouge? Parfaitement. Tu te rappelles pas ce que la grand-maman dit au loup quand il vient frapper à la porte? Voyons voir, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah oui, tire la chevillette et la bobinette, chéra. Eh bien, la bobinette, c'est moi. Tu vois qu'on parle de moi? Mais non, la bobinette, ici, c'est une vieille serrure. Quoi? Mais c'est ça. Dis tout de suite, je suis une vieille serrure. Mais non, je ne dis pas que c'est toi qui es une vieille serrure. Je dis qu'autrefois, les serrures s'appelaient des bobinettes. Bah, c'est ce que j'ai compris. Je m'appelle Bobinette, donc je suis une vieille serrure d'autrefois. Mais non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'une bobinette, c'était une vieille serrure. Bobino, tu recommences? Mais non, mais comprends, Bobinette. Bah, je comprends que tu dis que je suis pas une vieille serrure, mais que je suis quand même une vieille serrure. Mais... Bah, pour moi, c'est la même chose. Alors, si tu me traites de vieille serrure, moi, je vais te traiter de vieux cadenas, tiens. Oh non, écoute, Bobinette. J'écoute rien, vieux cadenas. Ah, je suis une vieille serrure. Mais Bobinette, voyons. Il n'y a pas de mais, Bobinette. Vieux cadenas. Et puis d'abord, taisez-vous et asseyez-vous, vieux cadenas. Oh là là là là. Reprenons. Je vais donc vous raconter l'histoire du... Et puis non, tiens. Je vais pas vous la raconter, l'histoire du petit chaperon rouge. Je tiens pas à me faire traiter de vieille serrure devant tout le monde. Oh. Je vais plutôt vous parler de... Pourquoi pas des hommes préhistoriques? Ça, c'est de l'histoire. Ils ont vraiment existé, les hommes préhistoriques. D'accord, vieux cadenas. Je vais donc vous parler de ces hommes qui vivaient il y a très très longtemps. Les hommes très historiques. Mais non, donc... pas très historiques. Les hommes préhistoriques. Élève Bobino, avez-vous fini de m'interrompre tout le temps? Si vous voulez prendre ma place, faudrait le dire tout de suite. Bon, moi ce que j'en disais, c'est... Donc, il y avait les hommes Comment tu as dit, Bobino? Préhistoriques. Oui, c'est ça. Préhistoriques. C'était des hommes qui avaient deux yeux, un nez... Une bouche, deux oreilles et qui dessinaient sur les murs. Bah, je me demande d'ailleurs pourquoi leur maman les disputait pas. Parce que moi, quand je fais des dessins sur les murs, Bobino n'est jamais d'accord. Mais c'est pas la même chose, voyons. Les hommes préhistoriques dessinaient sur les murs des cavernes parce que dans ce temps-là, ils n'avaient pas de papier. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est seulement plus tard que le papyrus a été inventé. Mais non, pas le papyrus. Le papyrus, c'est une plante sur laquelle les Égyptiens écrivaient. C'est d'ailleurs comme ça qu'on connaît bien la vie des grands pharaons. Des grands fanfarons? Mais non, pas des grands fanfarons, des pharaons. C'était les rois de l'ancienne Égypte. Tu as entendu parler du pharaon Toutankhamon? Bah, bien sûr, je le connais, le pharaon Toutankhamon. Mais c'est justement pas de lui que je veux parler. Ah oh là là. Tiens, parle-nous donc plutôt des Grecs. Des Grecs? Oui, ça, c'est un sujet que tu devrais connaître. Tu te rappelles l'exposition qu'on avait visitée sur la Grèce antique? Ah oui, je me souviens. Vous savez, mes tout petits, les Grecs d'autrefois, pour raconter leur histoire, ils la dessinaient sur des vases. Et justement, avec Bobinette, on a vu de ces vases qui représentaient des scènes de bataille, des scènes sportives, des scènes de tous les jours. Tu te souviens, Bobinette? Oui, mais il y a quelque chose que je ne me rappelle plus très bien. Les potiches, là, qu'on a vues, elles avaient vraiment été faites en Grèce? Mais évidemment, il y a plus de 2000 ans. Oh! Tu dois te tromper, Bobino. Comment ça? Parce que si elles avaient été réellement faites en Grèce, il y a longtemps qu'elles auraient fondu au soleil. Bah oui, la Grèce, ça fond. Oh, mais non, je n'ai pas dit qu'elles avaient été faites en Grèce. J'ai dit qu'elles avaient été faites en Grèce. Eh bien, c'est pas la même chose. Mais non, elles ont été faites dans le pays de la Grèce. Ce ne sont pas des potiches en Grèce, ce sont des potiches anglaises. Des potiches anglaises? Ah bah, faudrait savoir. Tout à l'heure, tu me dis que c'est des potiches grecques, et à présent, tu me dis que c'est des potiches anglaises. Mais non, ce ne sont pas des potiches anglaises, ce sont des potiches grecques faites avec de la terre glaise. Voilà, oh là, on n'en sortira jamais. Bon, en tout cas, tu me détournes de mon sujet. Moi, c'est pas des Grecs que je veux parler, ni de leurs potiches. Je veux parler d'un sujet que je connais bien. Barbe bleue. Barbe bleue? Mais Bobinette, une fois pour toutes, Barbe bleue, c'est comme le petit chaperon rouge, ça n'est pas de l'histoire. Dans un cours d'histoire, on ne parle que de gens qui ont réellement existé. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Oh, alors si je parlais des radiateurs? Des radiateurs? Bah oui, c'est de l'histoire, ça. Mais pas du tout. Pourquoi pas des réfrigérateurs ou des fers à repasser pendant que tu y es? Mais non, je te parle des radiateurs. T'as jamais entendu parler des combats de radiateurs? C'est de l'histoire romaine. Ah, tu veux dire les combats de gladiateurs? Les combats de radiateurs? Oui, c'est ça. les combats de gladiateurs. C'était des gens qui, au temps des Romains, se battaient pour l'arène. Non, non, non, ils se battaient dans l'arène. L'arène, c'est une sorte de cirque où on faisait ces combats-là. Oui, oui. Et quand ils rentraient dans l'arène, ils disaient... Qu'est-ce qu'ils disaient déjà, Bobino? Ave César, morituri et salutante. Oui, c'est ça. Lavez ces armoires et mettez-vous sous la tente. Oh, lavez ces armoires. Mais non, Ave César, morituri et salutante. Ce qui veut dire « Salut, empereur, ceux qui vont mourir te saluent ». Bah, tu sais, moi, j'ai jamais appris l'espagnol. Moi, je parle de l'espagnol, ça, Bobinette, c'est du latin. Les Romains parlaient en latin. Bon, en tout cas, ils disaient ça, et l'empereur répondait « Tu trouves pas que ça sent le brûlé ?» Comment, l'empereur disait ça? Mais oui, on dirait que ça vient de la cuisine. L'empereur n'a jamais dit ça. Si, si, Bobinette, je t'assure, ça sent le brûlé, ça vient de la cuisine. Bobinette, tu ne trouves pas que ça sent le brûlé? Bah, c'est ce que je te disais, que ça sent le brûlé. Oh, ça... Oh, c'est Gustave qui a dû faire brûler le souper. Oh, excusez-moi, mes petits. Oh, nom d'une bobinette. Je parie que c'est la crème au chocolat. Ah, évidemment, je peux pas m'occuper de deux choses en même temps, moi, de mes cours et de la cuisine. Oh, excusez-moi, les amis. N'arrêtez pas le disque, je vais revenir pour la suite de mes cours.